Kwa Serge Kayembe Ikamboko wana Tongo ekani na lamuki na pongi Mise viminga na kolera Kuna nanga Midi ebeti na boi kolia Susi ya mwana moto Eto ninga inzoto Butue indi na bangi kolala Nokina koloto Bandoto seya ye Boto komo sika na kinie Voko samboyo Nabi manga inanani Bruxelles koma lini eleki Kolala na imoko Nakoka te papa Jose kuna e Antiko nangai Lokolo make ngai Nako zela sena pela Jose kuna e Vaxe nangai asusi Lokolo silinga na nzoto Nako zela nazala kontamine Zambe baki sanga mapampu Na bimata lokola ndenge Narada shori na kishasa Elu mabele mokonzi Futse nangati kena zonga Tama boko mpamba Avec soin chérie, comme à l'okola, zoto etike, l'okola au salité. Tondo pourquoi, baninga deux à de la référence, veille au bokona litama na kolela. Moi dessous et pas à charoufa, gaina zingi ma boko na mawa. Zambé ma kisanga ma papa. José Kunae, Antico Nangai, Lokolo Makenga ina Kosela Sena Bela. José Kunae, Vaxenanga Susi, Lokolo Silinga Nanzoto na Kosela Nazala Contamine. Zame Makisanga Mapapuna Bimata Lokola Deke, Narana Sherina Kishasa. Passe mon motema. Nani akoki kokonsolenga Kela ya ono wamba Moteme tondi makambo ebele Denise Dasse, joli konzie Get my wedding Kokote langa likambo Eme kongolo la chakula e Mer titi Wapi mama mado Franck Kanye Papi Loutala André Lomami